Chapitre 36. La punition. Monsieur Dormer était seul. Il se promenait avec agitation dans sa bibliothèque. Georges devient intolérable. Il me dépense un argent fou. Il va sans cesse à Paris où il fait 500 sottises. Je le sais par mes amis. Et puis il devient tellement menteur que je ne puis ajouter foi à rien de ce qu'il dit. Je suis seul, toujours seul. Mes voisins même ne viennent plus me voir. Ils me jettent tous à la tête cette Geneviève qu'ils osent plaindre à ma barbe et ce malheureux Georges dont ils disent un mal affreux. Hélas, ma vieillesse ne sera pas heureuse. Quand je tiendrai cette seule Geneviève, je saurai bien la forcer à épouser Georges. Et quand il m'aura ruiné, il aura du moins la fortune de cette Péronnelle. La porte s'ouvrit, Julien annonça « Le notaire de monsieur. » Monsieur Dormer. « Bonjour, mon cher. Par quel hasard arrivez-vous si tard? Venez-vous dîner avec moi ?» Le notaire. « Non, monsieur, je viens vous apporter quelques papiers importants. Mais je dois avant tout vous remettre une lettre de Mademoiselle Primrose. » Monsieur Dormer. « Que me veut cette bavarde ?» Le notaire. « Lisez, monsieur, vous verrez. » Monsieur Dormer ouvrit la lettre. « Joli style. Elle est vexée, furieuse. Tant mieux. Je lirai plus tard ses sottises. Voyons vos papiers. » Le notaire. « Pardon, monsieur, veuillez d'abord terminer la lettre. » Monsieur Dormer. « Quelle insistance !» Monsieur Dormer continua la lecture de cette lettre. À mesure qu'il avançait, son visage se décomposait et devenait tantôt pourpre, tantôt d'une pâleur mortelle. Il la lut pourtant jusqu'à la fin, puis il se renversa dans son fauteuil et resta quelques instants sans pouvoir articuler une parole. Enfin, il dit d'une voix rauque et tremblante « La preuve, monsieur, la preuve !» Le notaire. « La voici, monsieur. Je dois vous prévenir que, redoutant un premier mouvement, j'ai gardé l'original signé de votre fils et je ne vous en apporte qu'une copie. » Le notaire tendit la lettre. Monsieur Dormer la saisit et ne put d'abord la lire, tant il était troublé par l'émotion et la colère. Il se remit pourtant et parvint à la déchiffrer jusqu'au bout. Le notaire. « Eh bien, monsieur, êtes-vous convaincu maintenant de l'infamie de votre fils, de la grandeur d'âme et de l'égoïsme de votre nièce ?» Monsieur Dormer. « Ah, par pitié, ne m'accablez pas. Mon fils, mon Georges que j'ai tant aimé, et d'avoir rien dit, pas un mot, pendant que cette fille se compromettait pour lui. » Le notaire. « Pas pour lui, monsieur, pour vous. » Monsieur Dormer. « Pour moi ? Que n'ai-je pu l'aimer ? Elle se serait dévouée pour moi. Elle aurait épousé Georges. » Le notaire. « Jamais, monsieur. Elle avait pour lui trop de mépris et d'antipathie. » Monsieur Dormer. « Que faire, mon Dieu, que faire ? Quel coup ! Mais non, je ne puis croire. Faites venir Georges, il est chez lui. » Le notaire sortit et rentra peu d'instants après avec Georges. Georges d'un air dégagé. « Vous me demandez, mon père ?» Monsieur Dormer. « Oui, monsieur, lisez cette lettre de votre cousine Primrose. » Il lui donne la lettre. Georges, après l'avoir lue. « Vous ne croyez pas, je pense, aux sottises que vous raconte Mademoiselle Primrose ?» Monsieur Dormer. « Vous niez ce dont elle vous accuse ?» Georges, avec calme. « Complètement, sa lettre est absurde. » Monsieur Dormer. « Nierez-vous aussi la vôtre ?» Il lui présente la copie de sa lettre. Georges la prit, visiblement troublé. Il se remit pourtant en la lisant et la rendit avec calme. Georges souriant. « C'est une lettre forgée, mon père. Ce n'est ni mon écriture ni ma signature. » Le notaire. « Mais j'ai l'original entre les mains, monsieur. J'en ai fait tirer une copie. » Georges. « Pourquoi cette précaution, monsieur ? » Le notaire. « Parce que j'ai craint, monsieur, que vous ou monsieur votre père, vous ne la détruisiez pour enlever à votre malheureuse cousine la seule preuve qu'elle put produire de votre culpabilité. » Georges. « Quelle admirable prévoyance dans une jeune personne soi-disant mourante. » Le notaire. « Ce n'est pas à elle, monsieur, qu'en revient l'honneur. C'est à Mademoiselle Primrose qui vous connaît à fond. » Georges s'inclina d'un air moqueur. Le notaire. « Maintenant, monsieur, veuillez me permettre de continuer l'affaire que j'ai à terminer avec monsieur votre père, auquel j'ai quelques questions à adresser. Consentez-vous à renoncer à la tutelle de Mademoiselle Geneviève Dormer ? » Monsieur Dormer. « Non, monsieur, je refuse. » Le notaire. « Veuillez, monsieur, réfléchir avant de prendre une aussi grave décision. En cas de refus, dont vous voudrez bien me donner l'acte, je dois déposer demain au greffe du tribunal la demande faite par moi, subrogé tuteur de votre nièce, de vous enlever juridiquement vos droits et votre titre de tuteur, et de vous faire rendre vos comptes de tutelle. Je me réserve à en donner les motifs. Je vous attaque en calomnie contre le serviteur dévoué de votre nièce, que vous avez accusé de vous avoir volé 10 000 francs. Et j'apporte pour preuve la lettre de votre fils, écrite et signée par lui. Monsieur Georges sera conduit en prison à ma requête pour procéder au jugement en cour d'assises et constater que c'est bien lui qui est le voleur et non pas le pauvre nègre de votre nièce. Je reviendrai dans une heure savoir votre décision. J'irai pendant ce temps dîner au village. Le notaire se retira en portant son portefeuille. Quand il fut parti, M. Dormer regarda son fils et dit avec colère. « Misérable, qu'as-tu fait? Mentiras-tu jusqu'au dernier moment ?» Georges. « Signez, mon père, signez tout ce qu'il voudra. J'avoue tout ce dont on m'accuse, cela me sauvera de la prison. » M. Dormer. « Lâche, menteur, tu as déshonoré mon nom. Je te chasse, je te déshérite. » Georges. « Très bien, mais il me faut avoir de quoi vivre honorablement. Donnez-moi de l'argent et je vous quitterai volontiers. Autrement, je reste. J'emprunte sur mon héritage futur 5 à 6 000 francs, après quoi je pars pour ne jamais revenir, et je vous laisse pour adieu ma malédiction comme récompense de la belle éducation que vous m'avez lâchement et sottement donnée. » Monsieur Dormer. « Je signerai tout, mais va-t'en. Ta vue me fait mal. » Georges. « Donnez-moi de l'argent, sans cela je ne pars pas. » Monsieur Dormer. « Prends tout ce que tu voudras et laisse-moi finir seule ma misérable vie. » Monsieur Dormer serra son front dans ses mains. « Le misérable, dit-il, pourquoi l'ai-je connu si tard ?» Georges. « Parce que vous n'avez pas voulu me connaître plus tôt, mon père. » Monsieur Dormer hors de lui. « Va-t'en, malheureux, délivre-moi de ta présence. » Georges. « Adieu, mon père, vous n'entendrez plus parler de moi. Je ne reviendrai que comme héritier de votre fortune. » Georges sourit. Il passa dans le cabinet de son père, les tiroirs étaient ouverts. Il enleva tout ce qu'il trouva d'actions au porteur, de billets de banque, d'or et d'argent. Il prit la cassette des diamants et bijoux de sa mère, divers objets précieux qu'avait son père. Il sonna pour avoir sa malle, la remplit de tous ses effets en mettant la cassette au fond, fit atteler la voiture et partit pour le chemin de fer. Ce fut sa dernière entrevue avec son père. Une demi-heure après, le notaire revint. M. Dormer signa sans objection ce qu'il lui présenta et resta dans un état de torpeur et d'anéantissement complet.